Lampion de Chine, lampion de soie, qui s'illumine rien que pour toi, lampion chinois. Quand tout est noir dans les couloirs de l'univers, quel beau décor multicolore ils savent faire. Sur quelques notes, ils te sifflotent un petit air. C'est la chanson belle. Chanson de la lumière. Oh, regardez dans les étages. Au troisième, non pas bonjour, qui rit aux éclats. Et Pamela, qui prend un bain sur son balcon. Et le vieux colimaçon, qui vient la taquiner du bout de ses ailes. Même l'arbre se met à frétiller de plaisir. Les jeunes pousses. Les vieilles branches. Lampion de Chine. Lampion de Chine. Lampion de soie. Lampion de